cours numéro 14. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir al-qa'ida al-sadisa fi sifat Allah azza wa jal. Fama hi? العبارة يلزم في صفات في إثبات صفات الله تعالى التخلي من محذورين عظيمين أحدهما التمثيل والثاني التكييف. أحسنت. Connaître Allah c'est مهم. حتى on rajoute pas certaines choses que le cheikh il a pas dit. فمثل هذه القواعد وهكذا les définitions c'est مهم de connaître الألفاظ. ولو c'est pas du mot à mot, لكن au moins la même jumla fi le ma'na, hada c'est mohim. Et كذلك من المهم c'est de connaître le ma'na. Fa al-hifz mohim, al-fahm c'est كذلك c'est mohim. Fa ma ma'na hadhihi al-qa'ida? Lama tuthbitu ma athbata Allah li nafsihi min as-sifat fa la bud an tastanib 'an shay'ayn hiya al-tamthil wa huma al-tamthil wa at-takyif. Ahsant. أي إذا أثبتنا صفة من صفات الله عز وجل bien sûr qui est cité في القرآن أو في السنة, on doit faire l'ithbat, on doit accepter, on doit croire إلى آخره, et كذلك on doit faire attention à deux choses, التمثيل والتكييف. Et dans le premier ou dans le dars précédent plutôt, on avait fini التمثيل. Et aujourd'hui, بإذن الله عز وجل, on va commencer à التكييف. فشيخ ابن عثيمين il a cité أدلة من السمع والعقل. Et inshallah, le kalam il est واضح. من يذكر دليلا من القرآن على نفي التمثيل؟ تفضل. وهو السميع البصير. C'est مهم de citer tout le verset. لماذا؟ لماذا c'est مهم؟ أثبت الله في هذه الآية لنفسه صفة وهذه الصفة في الأسماء المشتركة مع المخلوق. ما هي هذه الأسماء؟ السمع والبصر. نعم, السميع والبصير, صفة السمع والبصر. كما يقول بعض أهل العلم أن السمع والبصر تلتخوف في الحقيقة صدو صفات في كثير من المخلوقات. L'être humain, beaucoup d'animaux, ils entendent, ils voient les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ces deux noms qui englobent ces deux sifat, la vue est lui. Et ma hada qal laysa kamithlihi shay. Fa min hada, on peut citer un kalam muhim que Cheikh Ibn Uthaymin a cité fi hada al-bab, ma hu. En fait, c'est un point très important fi hada. تفضل. أحسنت. أن الالتزام في أن الاشتراك في الأسماء أو في الألفاظ كتصوى دي أسماء أو دي صفات مهم اللفظ, الاشتراك في اللفظ فسا أمبليك با أن السنس سي لو ميم أو يا une ressemblance أو سي إيدنتيك أبدا. شيخ العثيمين إلى سيتي بعض الأدلة العقلية في هذا. في الحقيقة on peut résumer هذا في مثال واحد, ما هو؟ pour montrer أن الاشتراك في الألفاظ ça implique pas que ça soit identique عندما تفضل أخي. مثلا يد الفيل ليس كيد الجمل. فماذا؟ فيشترك في الأسماء ولا في لا تشترك في نعم. فمثلا الفيل الى دو لا فورس, النمله لا دو لا فورس, لا شك ان سيت فورس الي با ايدنتيك ا سيت فورس. وهكذا لي مان دو لا كرياتور اي الله سبحانه وتعالى الى دي مان, استكو سا فا امبليكي اون ريسامبلانس؟ ابدا. سي كوم الى ديمونتري شيخ ابن عثيمين اي سي ان بوين امبورطون, سي في المخلوق يا هذا التباين, انا بدي سي الاختلاف. فسيف المخلوق يا هذا التباين في الصفة la force, le visage, main. Ça, c'est les créatures, les exemples qu'on a donnés avec l'éléphant et la fourmi, avec l'être humain et le lion. Il a akhri. Ala shakanna Allah subhanahu wa ta'ala fa min babi awla. Falihada qala Cheikh ibn al-Uthaymeen, fa dhuhur at-tabayyun baynahuma bayna al-khaliq wa al-makhluq ajla wa aqwa. La différence entre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la créature, fa la shakanna, c'est plus clair. C'est plus clair la différence. Limada, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur et il a des attributs de sifat de créateur. L'être humain, c'est une créature et il a des attributs de créature. On avait donné l'exemple, kadhalik, un exemple clair, la vie et la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vivant et l'être humain, il est vivant. Yukhrijul hayy min al-mayyit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé l'être humain hayy, al-hayy. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le hayy, c'est le qayyum. Est-ce qu'on va dire al-hayy, c'est comme al-hayy, iyadun billah? La ahad yaqul bihada. Cette qa'ida, elle est muhimma jiddan. La première partie fit tamthil. Et on essaye de finir aujourd'hui, bi tawfiqillahi azza wa jal, ma yata'allaq bi at-tamthil. Qala al-imam al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah, wa amma at-takyif, fa huwa an ya'taqid al-muthbit anna kayfiyata صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أولا on est دائما في الإثبات, فلهذا قال شيخ ابن عثيمين فهو يعتقد المثبت. أما المعطل فقط التكييف. لماذا؟ لأنه أصلا لا يؤمن بالصفة. فالذي يثبت الصفات, il doit faire attention au tamthil, comme taqaddam ma'ana, ne pas croire que les attributs d'Allah Azza wa Jalla ils sont identiques et ressemblent aux attributs des créatures. Wa hakadha at-takyif. At-takyif qala an ya'taqid al-muthbit une kayfiyya. Al-kayfiyya c'est comment. مثلا je te dis kayfa hadha al-kitab. Il est comment hadha al-kitab? Je me cite la kayfiyya. Je veux connaître la kayfiyya, le nombre de pages, la couleur. Est-ce que c'est des pages blanches, des pages jaunes? Est-ce que le khat il est assez grand ou il est petit? Wahakada. C'est ça le kayfiyya. Fa al-muthbit fi hadha al-bab al-azim, celui qui, مثلاً, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a des mains. Comme c'est cité dans le Coran. Et c'est obligatoire. On dit qu'Allah il a des mains. Lakin, on fait attention à ne pas s'imaginer iyad billah une kayfiyya. Fa huwa an ya'taqid al-muthbit anna kayfiyata sifati Allah ta'ala kadha wa kadha. Ça c'est le kayfiyya, donc donner un comment. Le kayfiyya en général c'est avec une description. Wahid iyad billah il dit les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala sont comme ça, comme ça, comme ça. Fa hadha la yajouz, c'est grave. Qala min ghayri an yuqayyidaha bimumathil. Et ça, c'est la différence avec le tamthil. Amma, si c'est une kayfiyya, si c'est une kayfiyya d'un makhlouq, il aura fait du takyif et du tamthil. Hada zawadih. Fa mathalan, wahad iyadun billah yaqul anna les mains d'Allah Azza wa Jalla, il décrit des mains d'êtres humains. Fa hada fil haqiqa, il a fait ressembler les mains d'Allah Azza wa Jalla à la créature. Il a fait du tamthil. Et vu qu'il a fait du tamthil, automatiquement, il a fait du takyif. Il y en a si il dit qu'elles sont identiques, elles sont comme l'être humain. Fa iyadun billah, ça veut dire qu'il connaît le comment. Les mains d'être humain, elles sont connues. Fa lihada qala Cheikh ibn Uthaymeen, at-takyif, huna, c'est min ghayri an yuqayyidah bimumathil. Matalan, iyadun billah, il décrit une main, il invente avec tant de doigts, avec kada, kada, kada, muhim, quelque chose qu'on ne connaît pas, sans faire ressembler à une créature. Enfin, il a fait du takif et il n'a pas fait du tamthil. Fa'ala hadha, ba'd ulama yaquluna anna kullu mumathil mukayyif. Tous ceux qui font du tamthil, fil haqiqa, ils ont fait du takif. Vu qu'ils ont comparé, fil haqiqa, vu que la créature, on connaît la description de la sifa, fil haqiqa, il a fait du takif. Fa kullu mumathil mukayyif. Ou à l'axe. Il va faire du takif, il invente une chose sans faire de tamthil. cette masala, les ulama توسعوا فيها أي la différence entre التمثيل والتكييف. Et on ne rentrera pas dans les détails. Ce n'est pas le but. Il y en a, on est dans un livre, dans un des premiers livres fi hadha al-bab. Wa illa ba'd al-ulama yufassiloun, ils détaillent beaucoup plus la différence entre tamthil et takyif. Deuxième chose, donc ce point il est important. Qal shaykh ibn al-Uthaymeen wa hadha i'tiqadun batil bi dalil as-sam' wa al-'aql. Ça c'est batil. Et le fait de dire ou de décrire, de prétendre connaître al-kayfiyya, le comment. Allah subhanahu wa ta'ala il a un visage, iyadun billah wahid, il le décrit, il prétend savoir comment al-kayfiyya. كيف هذا الوجه كيف هذا النزول كيف الاستواء إلى آخره فتوسا سباطل سحرام سدلك أخنا. Une chose هنا qu'il faut bien comprendre, والعلماء ينبهون أن ça veut pas dire qu'il n'y a pas de كيفية. فهنا هذا الباب العظيم on doit savoir أن ما من موجود إلى كيفية ما من شيء موجود إلى كيفية. Enfin, les sifat d'Allah Azza wa Jal, les attributs d'Allah Azza wa Jal, ils ont un comment, ils ont une kayfiyya. Lakin, nahnu, on ne connaît pas. Limadha li anna Allah Azza wa Jal akhbarana bil sifa wa lam yukhbirna bil kayfiyya. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé fil Qur'an al-Karim annahu il a deux mains. Tu ne trouveras aucun délil, une description de ces deux mains. Enfin, on dit qu'Allah il a des deux mains, c'est des vraies mains. Comment elles sont? Allahu a'lam. Est-ce que c'est comme les mains des créatures? Abdan. لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء. فالتمثيل c'est haram, c'est batil, كما تقدم معنا. Et c'est pas possible. Il y en a une différence entre le créateur et la créature. التكييف. الكيفية, le comment. L'échec, on a les attributs d'Allah عز وجل. Tous les attributs, ils ont un comment. Lakin, on ne le connaît pas. Il faut bien différencier entre هذا و هذا. قال رحمه الله أما السمع. Donc si on a compris ces points importants في الكيفية, Cheikh Ibn Uthaymeen رحمه الله il a cité dans son livre des preuves من القرآن pour montrer بطلان الكيفية التكييف. Et كذلك il a cité des preuves من العقل avec la raison pour montrer que c'est pas possible de connaître pour un être humain al-kayfiyya. قال رحمه الله أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا. فتأملوا قوله رحمة الله عليه لا علم لنا. Ça montre bien anna al-kayfiyya. La shak anna yun kayfiyya, lakin nahnu en tant qu'être humain avec nos faiblesses et la akhirah, on n'a pas d'ilm fi hadha. Fa Cheikh Ibn Uthaymeen ma qal la kayfiyya, il y a pas de kayfiyya, il y a pas de comment. La qal la ilm lana bi kayfiyyati sifati rabbina. Tu comprends min hadha al-kalam anna sifatu ar-rabb 'azza wa jall, les attributs d'Allah 'azza wa jall, ils ont bien une kayfiyya, un comment, lakin la ilm lana bih. نحن on le connaît pas. قال لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. الله سبحانه وتعالى nous a informé عن كثير من الصفات et nous a pas informé عن الكيفية. فيكون تكييفنا قفوا أي قوله عز وجل ولا تقف ولا تقف ما ليس لك به علم. C'est ça, هنا قوله قفوا, ça vient de الآية. لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. Les deux versets sont clairs. Cheikh Ibn Uthaymeen les a cités. أن لا يجوز لا يجوز لنا أننا نparle في شيء لا نعلمه. قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم. أي نروح pas dans une chose que tu ne connais pas. فالكيفية الآن الله سبحانه وتعالى nous a pas informé. Celui qui prétend connaître al-kayfiyya, fa fil haqiqa yatakallam ala Allah subhanahu wa ta'ala bil ilm. Et ça c'est très très grave. يتأملوا قوله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الإنسان يفكر خاصة في هذا الباب. لماذا؟ لأنه مسؤول يوم القيامة. On sera interrogé يوم القيامة. خاصة celui qui parle في الله بلا علم. Qu'est-ce qu'il va dire يوم القيامة quand il sera interrogé. أنه il a prétendu telle chose et c'est pas vrai. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى il a pas informé ses créatures. فمن أخبره؟ عياذا بالله. C'est très très grave de parler بلا علم, c'est grave. لكن في حق الرب سبحانه وتعالى c'est encore plus grave. لماذا؟ لأن المؤمن il doit avoir الاحترام والتقدير والاستسلام والانقياد والخوف من الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة sur un être humain bila ilm, ou parler sur un mu'min ou sur un savant ou sur tes parents bila ilm, c'est grave par rapport au degré de la personne. C'est grave. La yajouz hada. Amma fi haqqi rabbi subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus grave. Et tu trouves kathirun minan nas fi hada albab, iyadan billah, ils n'ont pas de limite. Yuthbitun ma sha'u annafi hadith wala haraj. Et كذلك بعضهم عياذا بالله تمثيل, بعضهم تحريف, بعضهم يفون في التكييف, بعضهم تفويض, بعضهم يغجت, ils acceptent عياذا بالله. Alors que celui qui médite sur ce genre de verset, فيخاف الله لا يتكلم إلا بعلم. Tu as un délil sur le كيفية, تفضل. Vu qu'il n'y a pas de délil, فلا يجوز الإنسان يتكلم في هذا. صحيح, il n'y a aucune فائدة. C'est de l'égarement فقط. Et ça, en général, c'est عياذا بالله ceux qui ne sont pas accrochés à la voie des salafs. الشيطان عياذا بالله il les égare من هذا الباب. S'occuper avec هذا, il leur fait croire que c'est du ilm, ils perdent leur temps et ils font que s'égarer. Amma sunni, il ne perd pas son temps via هذا. Ça ne sert à rien de rechercher une chose que tu ignores. Ça ne sert à rien de vouloir chercher une chose, personne n'a la réponse. فتؤمن et alhamdulillah, Tu fais des efforts dans les choses où que tu dois faire des efforts. Al-tawhid wa al-iman wa al-ibadat wa al-akhlaq ila akhir. Qala wa amma al-aql fa li'anna ash-shay la tu'raf kayfiyatu sifatihi illa ba'da al-'ilm bi kayfiyat dhatihi aw al-'ilm bi nadhirihi al-musawila aw bil khabar as-sadiq 'an. هذا الكلام il est important et il est جميل et il est مفيد. Et هذا في الحقيقة استفاده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمورية. Et كلام ابن القيم كذلك dans d'autres كتب. قوله وأما العقل أي هنا il va démontrer avec la raison celui qui réfléchit في الحقيقة si il comprend le كلام شيخ ابن عثيمين رحمه الله. Alors, il va déduire lui-même que ce n'est pas possible de connaître le kayfiyya. Donc, ce n'est pas possible de citer un comment et d'en parler. Limada, قال لا تعرف كيفية أو قبل ذلك فلأن الشيء. Ça englobe toute chose, هذا. فلأن الشيء, une chose, tu ne peux pas connaître le kayfiyya إلا بعد العلم et بكيفية ذاته. Si tu veux connaître la kayfiyya d'une chose, tu dois avoir du ilm sur that, hadha shay. Prends l'exemple d'un être humain. Je te demande, décris-moi un tel. Si tu le connais, tu pourras le décrire. Tu vas citer maintenant sa taille, sa couleur de peau, tu vas citer beaucoup de choses. Fahadha, c'est ba'd al-ilm bi kayfiyya dhati. Tu connais son that. Qala aw al-ilm بنظيره المساولة. Ça c'est le deuxième point. Pour connaître une chose et comment elle est, qu'il y a la description d'une chose, même si tu n'as pas vu cette chose, tu peux décrire cette chose si tu as vu quelque chose d'identique. مثلاً, deux stylos. Je te demande la description du deuxième que tu n'as pas vu. Lakin, je te montre un stylo et je te dis, il est identique. Le deuxième, je l'ai caché, مثلاً. Je te dis, décris-moi le stylo caché. Et je te montre un autre stylo et je te dis, c'est le même. Enfin, tu n'as plus qu'à regarder le stylo identique et tu décris l'autre, c'est le même. Si c'est un stylo noir, tu vas dire, c'est un stylo noir, il a un bouchon, il a kada. Et en décrivant le semblable identique, tu auras décrit le deuxième. Ça, c'est la deuxième. Imma connaître la chose elle-même, imma connaître son semblable. La troisième, qala, ou bil khabar as-sadiq an. Ou bil khabar as-sadiq an. Tu n'as pas vu la chose, tu n'as pas vu son semblable, lakin on t'a informé. Mathalan, le stylo, tu l'as pas vu, lakin un frère il t'informe, il a déjà vu où est ce stylo. Et il va te dire, Akhil Karim, le stylo il est comme ça, comme ça, comme ça. Si on te pose la question, décris-le comme ça, moi je l'ai vu. Toi même si tu l'as pas vu, tu vas citer la description. Le frère, c'est un frère de confiance et tu vas dire, le stylo il est comme ça, comme ça, comme ça. Trois choses. Emma, tu as vu la chose. Emma, tu as vu son semblable. Emma, on t'a informé. On revient aux sifat. Est-ce que quelqu'un a vu Allah subhanahu wa ta'ala? On parle fi dunya. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, comment décrire une chose qu'il n'a pas vue? La première, c'est venu. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a un semblable, quelque chose qui lui ressemble? Ça c'est mutlaqan, il n'y a rien qui est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu ne peux pas décrire une chose que tu n'as pas vue et tu n'as jamais vu le semblable n'existe pas. Il te reste un troisième, al-khabar, une information. Et ta'lamoun, les informations via al-bab al-azim, bab al-asma al-sifat, c'est le Qur'an ou le sunnah. Est-ce que le Qur'an ou le sunnah, on a une information, un délil, un verset, un hadith, qui nous montre la description d'une sifa? Peut-être. Donc les trois choses pour connaître une chose, les trois points pour connaître une chose, tu ne les as pas fait à al-bab. Donc, ça nous montre bien, et c'est le résumé, qu'il y a une kayfiyya, il y a un comment, lakin, tu ne le connais pas, tu ne l'as pas vu et on t'a pas informé. Fali hada, nous on dit une kayfiyya, lakin comment elle est? Allahu a'lam. Hada, c'est un kalam jamil. Si tu as compris hada, alhamdulillah, ça va te faciliter beaucoup de choses fi hada al-bab. Qala, wa kullu hadhihi at-turuq muntafiya fi kayfiyyat sifat Allah 'azza wa jalla. وجب بطلان تكييفها. نعم هذه الطرق اي ces trois façons pour connaître la description d'une chose muntafiya. Tu les as pas fi bab as-sifat. Tu as jamais vu Allah. Allah il a pas de semblable. Donc tu n'as jamais vu son semblable vu qu'il en a pas. Et la troisième, tu n'as pas d'information. Ça c'est pour toute chose. On a donné l'exemple avec le stylo, avec le livre. Toute chose, si tu veux le décrire, tu as ces trois moyens. Imma tu as vu la chose, imma tu as vu une chose identique, imma on t'a informé. Fafi haqqillahi azza wa jal, tu n'as pas les trois. Fala yajouz al-kalam fi hada. Et perdre son temps fi hada, ayyadan billah. C'est un bab khatir, jiddan. Qala shaykh al-Uthaymeen, wa aydan, fa innana naqul, ayyu kayfiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala. Aïe, ça c'est sous forme de question. Ayyu kayfiyat tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala. Aïe. Vu que tu n'as pas de ilm fi hada, comme taqaddam, tu peux pas savoir. Enfin, celui, ayyadan billah, qui veut citer un comment, matalan, comment elles sont les mains d'Allah Azza wa Jal, enfin, quelle description il va citer? Qala Cheikh ibn Uthaymeen, inna ay kayfiyatin tuqaddiruha fi dhihnik, fallahu a'dham wa ajal min dhalik. Tu peux t'imaginer ce que tu veux. Une description comme tu veux, sache que le résultat que tu auras et la description que tu auras à la fin, c'est batil. Et c'est de l'égarement. Limadha li'anna Allah subhanahu wa ta'ala il est a'zam comme je parle sur l'Uthaymeen. Et il est ajal. Allahu akbar. Et en tant que créature, on ne peut pas s'imaginer hada. Enfin, ça ne sert à rien de se fatiguer. Tout ce que tu imagineras, c'est minash shaytan. Et c'est de l'égarement. A'yadam billah. Et fil haqiqa, c'est une porte ouverte au tamthil. C'est pour ça que les ulama, ils font pas de différence entre takif et tamthil. Pour eux, si tu fais une kayfiyya, forcément tu as mithl. Tu vas citer une chose que forcément tu as pensé, tu as vu, il a agré. Et on a dit, on ne détaillera pas via dalbab. Lakin, c'est rien pour vous montrer, le kayfiyya, c'est une porte ouverte, c'est une porte ouverte au tamthil. À faire ressembler Allah Azza wa Jal avec la créature. قال رحمه الله وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقديرا باللسان أو تحريرا بالبنان. أي نعم. Celui qui عياذا بالله s'imagine une description d'un attribut d'Allah عز وجل, n'importe quel résultat qu'il aura, ça sera un mensonge. قال لأنه لا علم لك بذلك. نعم, c'est pas une chose que tu peux déduire. Ça c'est une umur al-ghayb. On n'a jamais vu Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a que des informations fil Qur'an wa sunnah, on n'a pas le droit de dépasser les limites. Et هذا الباب كما تقدم معنا في باب الأسماء الأسماء توقيفية, et كذلك c'est la dernière règle في الصفات أن صفات الله عز وجل توقيفية. في هذا الباب il n'y a pas d'ijtihad, il n'y a pas d'effort d'effort personnel dans la pensée, de réflexion, de déduction, de comparaison. Tout ça c'est de l'égarement. Ça c'est un bab tawqifi mahd. Tu as un dalil, il parle, tu n'as pas de dalil, il n'y a aucune déduction à faire. Limadha li anna Allah subhanahu wa ta'ala il est a'zam. Tout ce que tu peux t'imaginer, ton imagination et ton cœur qui va imaginer, tout ça c'est créé. Et ça ne pourra pas comprendre, ça ne pourra pas déduire ou trouver la description d'Allah Azza wa Jal. Abadan. Alayhada l'insan la yut'ib nafsa fi hadha. Pas besoin de se fatiguer fi hadha. Al-kayfiyya la majhoula pour nous. Qala. وحينئذ يجب الكف. الكف c'est ne pas parler في هذا, ne pas rentrer. تقف, tu t'arrêtes في هذا الحال. قال عن التكييف تقديرا بالجنان, que ça soit avec le cœur. On n'a pas le droit. لماذا؟ لأن ce qui imagine ces choses c'est le cœur. فلا يجوز. Et هذا ça arrive quand le cœur il est pas occupé par الحق. Quand le cœur عياذا بالله il y a des شبه. Ça devient comme une demeure pour les choubouad. Et l'insan il ne s'occupe pas avec le haq. Il fréquente des mauvaises personnes. Il lit des mauvais livres. Il s'occupe après par ces choses. Il réfléchit beaucoup dans les sifat, comment elles sont. Il réfléchit dans le qadar, dans le destin. Il se pose des questions. Il n'aura jamais de réponse. Et il s'écarte. Amma man yushghil qalbahu bil haq. Et avec le hifd. Et avec tilawat al-Qur'an, et avec tadabbur al-Qur'an, et avec l'ilm, et avec la compréhension du tawhid, de l'aqidah, du fiqh ila akhri, des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de réfléchir et de faire des efforts. Afala yatadabbarun al-Qur'an. Avec hada al-am, tadabbar, réfléchis et lis les kalam ahl al-ilm. Ça va te monter l'iman. Amma fil kayfiyya, c'est de l'égarement. Qal ou taqdiran bil-lisan. Hada, kadalik, c'est grave. Si il le fait avec les saints, c'est encore plus grave. Si il décrit les attributs d'Allah Azza wa Jalla avec sa langue, c'est qu'il le pense avec son cœur. Et hada, c'est grave. Ou tahriran bil banan. Al banan, c'est les doigts. Tahriran, c'est le fait d'écrire. Tahriran bil banan, c'est le fait d'écrire al-kitab. Que ça soit avec le cœur, avec la langue, ou d'écrire, iyadan billah, dans un livre, tout ça, c'est de l'égarement. قال شيخ العثيمين ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى الإمام مالك أبو عبد الله des grands imams de l'islam عليه رحمة الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى هذا سطيب مثال شيخ العثيمين il a cité هنا pour montrer مذهب السلف في هذا الباب لماذا لأن السلف ils étaient أعلم que Al-Khalaf, que ceux qui sont venus après eux. Ils avaient plus de science. Kadhalik, ils craignaient Allah plus que ceux qui sont venus après eux. Kadhalik, ils ont compris Al-Aqidah, ils ont compris les noms et les attributs mieux que tous ceux qui sont venus après. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a cité هذا الأثر. Haqiqa, ce أثر, comme ça y est, c'est madhhab al-salaf. C'est une règle, c'est un manhaj dans les sifat. Cheikh Ibn Uthaymeen, il l'a cité pour montrer, nana, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de rentrer dans des choses que haoula, ils ont laissé la porte fermée. Nous, on vient, on l'ouvre. C'est pour ça que revenir au salaf, c'est encore plus important, c'est muhim. Fasma, هذه القصة, elle est sahiha, عن الإمام مالك, أن رجلا, il lui a demandé, كيف استوى. Il a entendu, قول الله عز وجل, الرحمن على العرش استوى. الاستواء صفة فعلية الله سبحانه وتعالى استوى على العرش فهو il a demandé كيف comment il a demandé le كيفية directement قال أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق الإمام مالك رحمه الله la question elle l'a mis dans cet état أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء. Son visage, il a changé, rahimahullah, hatta, il a sué, ils l'ont vu, ils l'ont vu annahu il a commencé à suer. Ta'lamun anna al-insan lamma yataghayyar haluhu hakadha, imma c'est parce qu'il est en colère, imma il y a une chose qui ne va pas. Anna al-insan, son sang est chauffé et il sue directement. L'imam Malik rahimahullah, il n'avait jamais entendu mitla hadha as-su'al. Et ça montre khouf as-salaf. Et ça montre كذلك anna l'imam Malik rahimahullah, il a compris la gravité de la question. Limadha, c'est une question fi haqqillah azza wa jalla. Et cet homme, il a demandé à l'imam Malik rahimahullah, comme si l'imam Malik il connaissait hada. C'est pour ça que l'imam Malik il s'est mis dans cet état rahimahullah. Kayfa istawa rahimahullah atraqa bi ra'sihi hatta 'alaha ar-ruhada. Ar-ruhada, donc c'est l'araq, comme il a cité Cheikh Al-Uthaymin entre parenthèses, et il a sueur. Thumma qala, ay l'imam Malik, al-istiwa ghayr majhoul. Alors dans les riwayas, al-istiwa ma'loum wal-kayf ghayr ma'qoul. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة الشاهد والكيف غير معقول. Vous avez remarqué que l'imam Malik il a pas dit la kif, il y a pas de kif, il y a pourquoi tu demandes là. Il lui a montré qu'il n'a pas le droit de demander, lakin limadha li'anna pour nous il est غير معقول. Ça peut pas, tu peux pas déduire cela avec ta raison, t'as pas de texte, fa arrête-toi. قال الإيمان به واجب أو الاستواء نعم غير مجهول أي إلى معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب أي سنحن الواجب الواجب ونس الإيمان. Est-ce que Allah سبحانه وتعالى إلى صفة الاستواء؟ On dit نعم c'est واجب. الرحمن على العرش استوى. قال والسؤال عنه بدعة. Cette question c'est une بدعة. Le fait de demander le kayfiyya. Ça, c'est rien que le fait de demander, mais le fait de décrire, iyadun billah, une kayfiyya, c'est de l'égarement. C'est de l'égarement, c'est une bid'a, et iyadun billah, cette bid'a, elle peut égarer la personne à un égarement très très grave. Amma mujarra de su'al, c'est une bid'a. Ça, ça nous montre, ya ikhwan, anna as-su'al fi din, c'est une ibada. As-alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Le fait de demander fi din, tu es en adoration dès que tu demandes. Fattaqillah fi. Il n'y a pas de place pour la curiosité. Ils ont ce genre de questions, les débutants. Et quand c'est un débutant, il ne connaît pas. Tu lui montres, ça se fait pas. Il a posé cette question à cause d'une mauvaise éducation et l'ignorance. Il a arrêté. Ils ont cette curiosité, ils posent des questions dans tout. C'est pas comme à l'époque des salafs, ils étaient éduqués fi hadha al-bab. Fa nous, à notre époque, on patiente et on montre. Voilà, kulli hal, as-su'al, c'est une ibada azima. On fait attention, on demande pas tout. Wa'aduhum, ta'lamoun, il pose des questions, en aucun cas il a besoin de la réponse. En aucun cas il en a besoin pour son din. C'est la curiosité. C'est venu dans son cœur, il pose. C'est pas ça notre din. Là, beaucoup de questions, elles arrivent, et ton cœur, ça doit être comme un filtre. Il y a des questions, elles servent à rien. Rejette-les. Des questions, elles sont utiles pour ton dîn. Alhamdulillah, pose. Amma ba'dhum hakada. Hatta c'est déjà arrivé, et roubama, vous l'avez entendu, ba'dhum, il pose la question, il dit, mais c'est juste comme ça. Et il le dit complètement, c'est que la curiosité, je veux simplement une réponse. C'est pas ça notre dîn. Notre dîn, c'est je pose une question, imma, pour appliquer, imma, pour m'écarter d'une chose mauvaise. Imma, troisième cas, je connais la réponse, lakin, pour faire profiter un autre. كما في حديث جبريل عليه السلام وهذا تقدم معنا في شرح الأربعين. المهم شو عن درس مهم في هذا الأثر العظيم أن الأسئلة منها واجبة. Il y a des questions, c'est obligé, tu dois les poser. Tu as besoin pour ton din et alhamdulillah tu sais que quelqu'un un savant il peut te répondre, tu dois la poser. Si tu t'es et tu te trompes, tu es athem. Il y a des questions, c'est bimbab l'istihbab, il y a des questions, c'est haram, il y a des questions, c'est des bid'ah. Ça nous montre un as-su'al, c'est une adoration. Et dans cette adoration, tu dois suivre les salafs. Fais attention aux questions fi hadha al-bab. Fi al-haqiqa, bab al-sifat, tu n'as pas besoin de beaucoup de questions. Bab al-sifat, dans les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Un attribut du Coran et de la Sunna, accepte-le. Al-kayfiyya ne la demande jamais, personne la connaît. Al-tamthil, tu n'as pas besoin de demander, tu as une règle, il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Il reste une chose, le sens. Ça, c'est muhim. Ça veut dire quoi l'istiwa? Ah, hada na'am. La shak, c'est une kalima, c'est un mot en langue arabe, il a un sens arabe. Ah, tu vas l'apprendre dans ton étude des noms d'Allah Azza wa Jal et des attributs. Dans l'aqida ou dans des livres spécifiques dans l'explication des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal. C'est ça l'ilm. Celui qui étudie l'aqida, et alhamdulillah, il a ses limites, il a ce madhab, il suit salaf, il ne pose pas toutes les questions à n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, et il étudie, vous verrez qu'à la fin de son étude, il n'a aucune question fi babu sifat. C'est wadih que shams. Et après, il fait des efforts. Il essaie de mettre en application. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est sami'. J'ai un dalil dans le Coran, c'est sami'. Il a une sifat, c'est fat sam'. Il m'entend. Dès que je parle, je fais attention. C'est ça le din. Amma ba'dhum, il pose des questions. C'est comme des journalistes. Dès qu'il a fini sa question, Obama, il va, il fait du haram wadih, il ne fait plus aucun effort. Là, c'était par curiosité, ou pour essayer de bloquer celui qui veut répondre. Ou min, hadhihi, iyadu billah, hadhihi, al-niyat al-fasida. On fait attention à hadhal bab. Et alhamdulillah, on avait fait une kalima ma ba'd al-ikhwan qu'on avait propagé sur adab al-su'al, comment poser ces questions, et on avait détaillé ce point qu'on vient de résumer. On a. Qala wa ruwiya an shaykhihi rabi'a, aydan, al-istiwa ghayru majhul, wal-kayf ghayru ma'qul. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. هذا كلام جميل. صحيح ميزان. بعض العلماء يقول سين غيل سين قاعدة. صحيح سين غيل. ميزان كذلك. ميزان. أي celui qui a هذا المعتقد في الصفات فالحمد لله il est à la sunna dans ce point. N'importe quelle صفة أنا remplace الاستواء. On remplace الاستواء par al-ulu ou par al-qudra ou par al-kalam. Al-kalam ghayr majhoul. Allah il a sifa al-kalam, il parle azza wa jalla quand il veut. Fa al-kalam ghayr majhoul. Ou dans une autre riwaya ma'loum. Et on a des adilla, c'est clair cette sifa, elle est claire et on connaît le sens. Ou al-kayf ghayr ma'qoul. Dans une riwaya al-kayf majhoul. Comment Allah il parle, Allah a'lam. Ou l'iman bihi wajib, l'iman bi sifat al-kalam, c'est obligatoire. Ou al-su'al anhu, ay an al-kayfiyya, an kayfiyyat al-kalam, c'est une bid'a. Toutes les sifat, al-sam' wal-basar wal-ulu wal-nuzul ila akhri. C'est pour ça que c'est un mizan azim. Mithla hadha al-athar yuhfad. Yuhfad. Et بعض العلماء ils l'ont expliqué dans des kutub, dans des durus, walillahi alhamd. Athar al-imam Malik il est sahih. Et كذلك athar son cheikh Rabi'a, cheikhuhu Rabi'a, est le cheikh de l'imam Malik. كذلك صح عنه. Ça montre une autre faïda azima, أن l'imam Malik c'est un élève de Rabi'a et stafada min. على الشك أن l'imam Malik stafada min cheikhih, c'est lui qui avait dit cette parole. Et فضل الله سبحانه وتعالى أن هذه الكلمة اشتهرت عن l'imam Malik. La plupart des gens qui la connaissent الآن ينسبون نعم للإمام مالك نعم وإلا فصن الشيخ كذلك il avait dit هذا et في الحاشية il a démontré أن les deux إسناد ils sont صحيح. قال وقد مشى أهل العلم بعدهما أي بعد الإمام مالك وبعد شيخه ربيعة على هذا الميزان وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقل والشرعي فوجب الكف عنه. On n'a pas de délil, min al-Qur'an ou min al-Sunna sur le kayfiyya. Kadhalik al-aql, al-aql, il montre, anna tu ne peux pas connaître le kayfiyya. Fa al-wajib, pour l'aql et al-muwaffaq, celui qui veut le khayr, c'est le kaf. Le kaf, ça veut dire ne pas rentrer, ne pas se prononcer fi hada. Ça nous montre que, fi din Allahi Azza wa Jal, fi al-masail al-ilmiya, on n'accroche pas, on ne fait pas du jidal dans tout. Là, il y a des sujets, on n'a pas besoin de parler beaucoup, de dialoguer, de polémiquer là. Certaines masailles, مثلاً de fiqh, n'am. فيها أخذ ورد. Tu peux citer des adilla, l'autre c'est un autre dalil. Robama, l'alim, il a compris d'une façon, un autre savant, il a compris d'une autre façon. Comment on doit regarder, c'est lequel la parole la plus juste, il a akhiré. Amma fi hadha al-bab, il n'y a pas min hadha. Il y a un dalil, on dit à cette sifa. Il n'y a pas de dalil, on se tait. C'est pour ça que tu trouves Al-Mukhtasarat, le livre qu'on avait étudié d'Adkuruna, Al-Iqtisad, juste avant celui-là de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi, c'est un imam kabir fi sunnah, il est Mukhtasar jiddan. Très simple, Sifatul Yadayn, qala Allah, Azza wa Jalla, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Sifatul Nuzul, qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout le livre jusqu'à qu'on a fini. Al-Wasatiyya, vous verrez, Inch'Allah, c'est la même chose. telle sifa, qala Allah, telle sifa, qala Allah, jusqu'à ce que tu finis. Les kutub al-mutawassi'a, al-kabira, comme al-sawa'iq, comme les livres de Cheikh l'Islam, al-Tadmouriya, al-Rad al-Bakri, tous ces livres où il y a plusieurs mujallad, c'est des répliques contre les égarements. Wa illa al-aqida al-wadiha. Al-wasitiya, c'est min ajma' al-mutun fi hadha al-bab, ay fi al-mukhtasarat, en quelques pages. C'est un tout petit livret, c'est les shurouh qui. C'est des mujallad. Wa illa al-matn, il est très court, très résumé. Ça nous montre que l'aqida est très simple. Qala fal-hadar. الحذر من التكييف ومحاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. فنصيحة جميلة. نصيحة هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. C'est un imam في العقيدة. Il avait beaucoup d'expérience في هذا الباب. Il a côtoyé beaucoup de gens. Il avait beaucoup d'élèves. Il a agréé. Il savait رحمه الله que si un musulman il ouvre cette porte على نفسه et il commence à se demander pourquoi cette sifa il a akhiré, ayyadan billah, ça peut le pousser, ça peut l'emmener très très loin dans l'égarement. Et à la fin, il aura des doutes. Et vous connaissez tous al-dalil, al-hadith plutôt, an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, an-shaytan min as-salibihi, pour égarer بعض الناس, annahu yaqul man khalaqa hadha, thumma man khalaqa kadha, thumma man khalaqa kadha. À la fin, il finit man khalaqa Allah, azza wa jalla. Ça s'annonce, celui qui suit le shaitan, il te laissera pas. Et parmi, et il nous montre ce hadith, on a parmi les moyens que le shaitan utilise pour égarer, c'est les questions. Tu le vois, hada fi bab al-qadr wa fi bab al-sifat. Tu n'as pas besoin de hada, man khalaqa hada, man khalaqa hada. C'est une question, en haqiqa, elle n'a aucune ma'na, lianna Allahu khaliqu kulli shay. Allah, il a tout créé. Enfin, n'importe quelle créature, on n'a pas besoin de se poser la question, c'est Allah qui l'a créé. Il n'y a qu'un créateur. Tu as Allah, c'est le créateur, et tout le reste, c'est la créature. Alhamdulillah, pourquoi te poser des questions? Lakin, celui qui se pose trop de questions, qui sait qu'a créé Ada, qui sait qu'a créé Ada, un jour, Shaitan, il va le faire glisser, il va se poser la question, mais en fait, Allah, c'est vrai, on dit toujours Allah, c'est le créateur, mais qui sait qu'a créé Allah? Et il s'égare, yadam billah. Ça lui met des doutes. Hakada hadalbe. Hakada hadalbe. Essayer de chercher une kayviya ila akhire. Fa yadam billah, comme a dit le Cheikh Ibn Uthaymeen, in fa'alta wa qa'ta bi mafawiz. لا تستطيع الخلاص منها إلا أن يشاء الله. لا تستطيع الخلاص أي tu pourras pas te débarrasser de هذا الشيء si ça rentre dans le cœur. إلا أن يشاء الله. Et من ابتلي بهذا بعض الإخوان بعض المسلمين ils ont مرض الوساوس. Ils sont malades avec cette maladie الوساوس. Ils se posent trop des questions, que ce soit باب القدر, que ce soit باب الصفات, que ce soit في التعبد, ils refont le dos beaucoup, ils ont. C'est des personnes, en général, ils ont un manque de confiance, ils ont un iman assez vaïf, et ils ont beaucoup de doutes. Enfin, la moindre chose, ça les déstabilise. Et ils font beaucoup d'efforts fil ilm. Ils font beaucoup d'efforts fil ilm, mais il faut pas suivre un nafs fi hadha. Des questions fi hadha, ferme la porte. C'est des questions inutiles. Et tu le sais que c'est inutile. Enfin, limada répond. Là, pense à autre chose, occupe-toi. Occupe-toi bil Qur'an, bil ilm. Fréquente des frères tayyibin et idnillahi azza wa jal. Tant que l'insan y repousse, il est à la khayr. Amma, celui qui n'est pas malade et qui rentre dans cette chose, yadam billah, là, il cherche, fil haqiqa, al-shar. L'insan yahdar min hada. Qala, wa in alqahu al-shaytan fi qalbik, fa'alam annahu min nazaratih. Ça vient de shaytan. Ça vient de Shaitan et c'est min nazarat et Shaitan. Shaitan, c'est adou l'insan. Il fera tout pour égarer l'insan. Et on répète, parmi ses moyens pour égarer les autres, c'est les questions. Qala, fa'alam annahu min nazaratihi falja ila rabbik fa'innahu ma'adhuk. Sahih. Sta'idh billah. Azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Celui qui est malade, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de le guérir. Celui qui a des doutes, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de lui enlever. Celui qui a des faiblesses par rapport à son nefs et à shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qawi. Il y en a l'erreur que certains ils font, certains de ceux qui ont la maladie de l'wasawis. Madri, comment ils traduisent l'wasawis? Est-ce que tout le monde va comprendre les insufflations? Ils traduisent par insufflation de shaitan. Ils se posent trop de questions, ils sont pas sûrs de marouf, à l'wasawis. Nassit, qu'est-ce que je voulais dire? Nassit. Qu'est-ce que je disais? Tu disais, certains qui ont cette maladie-là. Naam. Lakin, l'aspect, elle est partie. Sahel. Qala, fa'alam annahu min nazaratihi falja ila rabbik fa'innahu. Ah, naam, athkur. Anna ceux qui ont cette maladie, en général, les malades, ils ont du mal à se soigner. Les causes, ils ne les font plus. Les anna, ils désespèrent. Ils ne désespèrent pas, akhil karim. Pardon, ils disent, mais tu les conseilles via Dalab, ils disent, mais j'ai essayé plein de fois, ça revient toujours, et que annahu, ils désespèrent. Là, tu as essayé plein de fois, le fait d'essayer plein de fois, c'est un ijtihad, c'est une adoration. C'est ton jihad. C'est ton jihad. Le jihad, il y a une récompense énorme. Enfin, t'as fait jihad contre ton œuf, c'est contre le shaitan. Enfin, ne baisse pas les bras. كذلك بعضهم يكونسبا الله في الحقيقة عز وجل وإلا يكونتخي الله عز وجل tu peux pas désespérer, il est capable de tout. Fakat, c'est une épreuve. T'es pas guéri aujourd'hui, tu seras guéri demain. C'est pas demain, tu seras guéri après demain. C'est pas après demain, tu mourras. Fakat, patiente, ne baisse pas les bras, shaitan il prendra le dessus. Si tu meurs على هذا الحال أن تغبوس إلى آخره إن شاء الله تعالى خير. فلهذا قال الشيخ العثيمين رحمه الله فلج إلى ربك فإنهم معاذك قال وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. اسم الطبيب إلى ثابت لله عز وجل إلى ستيفي الحاشية المحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت رفيق والله الطبيب الحديث إلى صحيح الشيخ مقبل رحمه الله إلى ستيفي الجامع الصحيح. فالله سبحانه وتعالى c'est الطبيب, c'est lui qui guérit. فلا baisse pas les bras. الطبيب في الدنيا, les médecins في الدنيا, أحيانا نعم, tu fais des causes avec eux, ils connaissent pas, ils ont pas les moyens de t'aider. أما الله سبحانه وتعالى c'est الطبيب, الطبيب من أسماء الله الحسنى. Ce nom il est parfait, l'englobine se va parfaite. Enfin, ne désespère pas. N'importe quelle maladie, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de guérir l'insan. On n'a plus qu'à demander. Lakin, al-shaytan, il fait tout pour faire du mal à ceux qui ont cette maladie. Hatta, il les fait désespérer, hatta, il ne demande plus. Et une fois que tu ne demandes plus, khalas, c'est ce qu'il voulait, shaytan. Là, demande. Si tu n'as plus de moyens, tu es fatigué, demande, lève les mains et demande. Tu peux, alhamdulillah, ça ne prend pas beaucoup de force, et demande, ya Rabb. يا رب تو بيراك الله سبحانه وتعالى كريم. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. السميع أي الله سبحانه وتعالى il entend. العليم الله سبحانه وتعالى il connaît ton حال. فcette situation أن الإنسان il a ses faiblesses, أنه يفكر كيفية, il a des wasawis في القدر, il a des wasawis dans beaucoup de choses, الشيطان il lui fait beaucoup de mal, n'oublie pas أن الله c'est السميع, c'est العليم. Il connaît ton état, il connaît l'état de الشيطان. Il sait que أنت من عباده, t'es un de ses serviteurs, et il sait que الشيطان c'est un de ses ennemis. Ne pense pas qu'il a laissé الشيطان لأنه il veut ton mal, أبدا. الله سبحانه وتعالى déteste الشيطان, il aime les croyants, فقط c'est une épreuve. لأن t'es في الدنيا, t'es pas encore في الجنة. T'es obligé de subir des épreuves comme tous les croyants. Certains c'est avec leurs femmes, certains c'est avec leurs enfants, certains c'est avec leur dîn, certains c'est avec les wasawis, certains c'est une maladie corporelle, certains c'est un manque d'argent, certains c'est avec un mauvais voisin, certains c'est avec quelqu'un qui lui veut du mal. Chacun il a sa part. Anta, si tu es éprouvé par un, esbir. Esbir et fais des efforts. Et il y en a, ils ont beaucoup plus. Connaître le sens des noms, c'est muhim jiddan. هذه القاعدة لنافعة. On la résume, أن الإثبات c'est واجب على الجميع, لكن on fait attention من محذورين عظيمين. Deux choses très très graves في الإثبات, التكييف وقبل ذلك التمثيل. التمثيل faire ressembler الله سبحانه وتعالى à ses créatures. التكييف décrire, donner une kayfia, un comment aux attributs d'Allah سبحانه وتعالى. التمثيل c'est haram, c'est batil, et Allah ليس كمثله شيء. Allah il ressemble pas à ses créatures, azza wa jal. Et التكييف c'est batil. لماذا؟ لأن on n'a pas العلم pour connaître الكيفيه. Malgré qu'il y a une kayfiyah, il y a un comment, lakin nahn on l'ignore. Enfin, le fait de se prononcer via hada ou de penser avec son cœur ayad billah, c'est de l'égarement. C'est une qa'ida nafi'a. Qa'ida nafi'a. Fa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala التوفيق للجميع. Et le prochain cours, on lira ensemble la septième règle. Elle est très courte. On aurait pu la lire aujourd'hui, laquelle volontairement, on n'a pas voulu commencer. Et l'imad, elle est courte. Et on l'a déjà fait. Sifatullah Tawqifiyya, c'est comme la règle sur l'asma Tawqifiyya. Elle est très très simple. Et kadhalik, ça reviendra fi qa'idatu li qawa'id fil asma wa sifat. Lakin on lira nous, le kalam bien sûr, inshallah ta'ala, et on en profitera pour réviser toutes les qawa'id. Et inshallah, si on peut faire le schéma ensemble, on le fera. Donc le prochain cours, on lira la septième règle, ça sera assez court, et le reste du temps, on révisera les sept règles. Enfin, réviser. Et vu que le prochain cours, normalement, c'est mardi, bi'idhnillah azza wa jal, et on est jeudi, enfin, ça vous laisse du temps. Et réviser une muraja'a, bi'jid wa ijtihad. La révision, c'est pas hakada, vite fait, tu survoles la qaïda, je sais là. Si tu peux apprendre la qaïda, apprends-la. Un mithal, kadhalik, vous avez remarqué qu'on pose des questions, donc tu es capable de pouvoir, expliquer. Voilà, tu lis, tu relis. Hatta, inshallah, ça rentre. C'est un peu, moi, l'imad, il y en a ce livre, c'est des qawaïd. Ça va être des bases pour toute ton étude sur l'asma wa sifat. Même pour toute ta vie, tu auras besoin de toute ta vie. Et l'ulama, il conseille, quand tu fais un livre, tu le fais une fois. Fais-le bien une fois, et après, inshallah, tu n'as pas besoin de revenir. On n'a pas compris la moitié, on est obligé de le refaire, et à chaque fois, et on n'avance plus. Là, tu fais ce livre, tu as compris, un autre livre, et l'autre livre, il t'expliquera ce livre. Et le jour où tu reviens à ce livre, inshallah, c'est pour l'expliquer à d'autres. Mais pour cela, il faut bien le faire. Enfin, donner du temps. Donner du temps. Si tu commences aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. T'as exactement 6 jours. 6 jours et on a fait 6 qawaïd. La 7ème, on l'a pas encore fait. La 7ème, elle est simple. T'as oublié, on l'a déjà fait. Enfin, une qaïda par jour. Aujourd'hui, tu reprends la première qaïda fossivat et tous les jours une qaïda. Alhamdulillah, hatta. On maîtrise ces règles qui sont très très importantes. Alhamdulillah, les révisions qu'on fait au début du cours. Ça se voit que, alhamdulillah, les frères, ils révisent, enfin, continuer à kada. On passe à notre deuxième dors, inshallah.